voici la triste histoire des amants délaissés. Je n'irai plus te voir en 69 l'été. Je n'irai plus te voir en 69 blessés.